l'espérance humaine dénomme ce second mouvement de la passion espoir, actualisable par les forces du sujet dans le cadre de sa compréhension de l'attente. L'espérance se différencie de l'attente, la valeur et la signification de l'objet perçu sont importantes pour l'actualisation de l'espérance. L'espérance et l'attente sont précédées par l'acte de la faculté de connaître. Des animaux, le futur, le chien qui voit un lièvre ne s'élance à sa poursuite seulement parce qu'il sait qu'il possède une possibilité. L'espoir, l'espérance.